The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. The day before yesterday. Avant-hier. Flu. La grippe. Sick. Malade. At first. Au début. Cold. Le rhume. Doctor. Le docteur. To happen. Arriver. Must. Devoir. To catch. Attraper. Now, a bit faster. Flu. La grippe. The day before yesterday. Avant-hier. Cold. Le rhume. To catch. Attraper. Sick. Malade. Must. Devoir. At first. Au début. The day before yesterday. Avant-hier. Flu. La grippe. Sick. Malade. Flu. La grippe. To happen. Arriver. To catch. Attraper. At first. Au début. Flu. La grippe. At first. Au début. The day before yesterday. Avant-hier. Now, use the words in context. Au début. She thought that he hated her at first. Au début, elle pensait qu'il la détestait. Arrivé. Something terrible happened to me. Il m'est arrivé une chose terrible. Devoir. She must have gotten sick. Elle a dû tomber malade. Attraper. He caught the flu. Il a attrapé la grippe. Au début. She thought that he hated her at first. Au début, elle pensait qu'il la détestait. Devoir. She must have gotten sick. Elle a dû tomber malade. Attraper. He caught the flu. Il a attrapé la grippe.